Toujours en mêmes occasions, le journal d'internet indonésien Rumol, le journal de New Age et la télévision du Myanmar ont présenté des numéros spéciaux avec des photos du maréchal Kim Jong-un.